Je marchais tout doucement. Monsieur dirigeait, il y a certainement toujours, une grande avenue qui va du pont de Saint-Cloud jusqu'à la porte de Saint-Cloud, qui s'appelait à l'époque l'avenue de la Reine. Quand on était gosse, on disait que c'était en descendant du château de Versailles, le roi et la reine prenaient ça pour aller aux Tuileries. C'est approuvé, mais c'est possible. Ouais, ça pouvait être la route de la reine. Sur la route de la reine, j'ai dû m'asseoir. Bon, je suis reparti, j'ai rebroussé chemin. Je suis arrivé à la rue Billancourt. Rue Billancourt, c'était une de mes rues de jeu. Bon, je ne jouais pas beaucoup, mais c'était une de mes rues de jeu parce que c'était une rue populaire, populeuse. Et c'est là que j'avais un copain. Alors je me suis dirigé tout doucement vers la maison que le copain n'habitait plus. Il avait dû faire comme moi avec ses parents, partir ailleurs. Et pour rentrer, pour aller le voir, pour monter chez lui, quelquefois c'était chez sa mère qu'on buvait un café le soir, à 4h30. Mais il y avait le couloir. Beaucoup avaient été cassés de maison, mais celle-là, non. Alors j'ai traversé le couloir parce que je savais, du moins je me souvenais, qu'il y avait une courette après. Puis il y avait encore un autre couloir. Et dans le couloir, il y avait un escalier qui prenait. En bas, c'était des échoppes, je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un petit menuisier, peut-être bon. Mais il y avait un bistrot pas très loin. Je suis monté au premier, mais pour ainsi dire, les yeux fermés, avec le cœur qui tapait, qui me faisait mal. Et dans l'aine, cette garce de boule qui me plaisait. Au fond, j'aimerais pas qu'on me la retire, je sais pas ce que c'est. J'ai passé ma main, puis je l'ai touchée. Un peu pour me porter chance. Et je me suis approché d'une des portes. Il y avait deux portes qui se faisaient face à face. Ça n'avait qu'un étage. Et chaque, appelons ça appartement, avait une pièce et une toute petite cuisine. Les chiottes étaient en bas. Je m'approche pour taper tout doucement. Puis je me dégonfle, je redescends. Je regarde en l'air en sortant par la petite cour, personne n'est à la fenêtre. Bon, il y a peut-être personne, il y a peut-être quelqu'un. On va voir, il ne faut pas se précipiter. Il était peut-être 9h, 9h30. C'est peut-être pas une heure pour arriver chez lui. Lui, c'était Popo. C'était un gars qui avait mon âge, qui s'appelait Popo, qui était italien, mais complètement italien. Moi, j'étais moitié italien par ma mère, et puis français par mon père, enfin, qui n'était pas vraiment français, qui était du nord, belge, mais enfin, qui parlait bien le français. Popo avait habité là, et c'était là que je venais boire de temps en temps du café au lait. Alors, j'ai fait un petit tour de la rue de Billancourt, je suis passé la rue d'Aguesso, je suis revenu à l'avenue de la Reine, puis il était peut-être 10h quand je me suis repointé dans le couloir. Premier couloir, courette, je relève les yeux. Ça n'avait pas bougé. Je monte au premier étage. Je tape. Et en même temps, ça me tape dans l'aine. Et j'entends « Qui est là ?»« C'est moi. » C'est une voix d'homme qui m'interrogeait. « Qui ça, moi ?»« Ah ben, si toi, t'es Popo, je te donne 100 balles si tu trouves. Hein. »« Ouais, c'est Popo. Alors ouvre ta porte, tu verras qui c'est. » Alors j'entends traîner des savates, bon. Puis on ouvre la porte. Je me trouve devant un type, très gros, rougeoyant, pour ainsi dire pas de cheveux. Le peu qu'il avait, ça volait comme ça. Je voyais la table, là où on prenait le petit déjeuner, enfin le petit casse-croûte de 4 heures. Le lit dans lequel sa mère devait dormir, son père aussi. Maintenant, c'était peut-être lui, le lit était défait. Puis là, je me perçois qu'il est en pyjama. Alors je lui dis, alors tu me reconnais ? Non. Tu vois pas qui ? Non. Et puis toi, tu me connais ? Oui, puisque je t'appelle Popo. Ah ben alors ça, était du quartier. Ah ouais, pour ainsi dire. Mais de la rue d'Aguesso ? De la rue de Billancourt ? Non, non. La chaussée. La chaussée. Le pont ? Ouais, le pont. Non, je vois pas. On a été copains pendant une dizaine, douzaine d'années. On était gamins. Ouais. Si je te dis ce qu'il y a de particulier chez toi, tu me quoi ? Tu me dis oui ? Ouais, ça va être la preuve. pour ainsi dire, t'as pas de doigts. Ah ben merde alors, mais qui tu es ? Alors sors tes pognes. Alors il sort les pognes de la poche de son pyjama, puis je les vois. C'était comme, mais c'était pas comme vraiment. Il n'y avait pas de doigts, ils étaient tous soudés, mais ils n'avaient poussé qu'à demi. Il n'y avait qu'une petite phalange qui restait, mais qui était soudée à la deuxième phalange, celle du médium, par exemple. Alors, index, médium, annulaire et l'autre, c'était collé. Puis le pouce, il était ratatiné, lui aussi collé par là. Ce qui fait qu'il ne pouvait rien faire, ne pas se servir. Une prothèse, à l'époque, ça ne se portait pas, ça ne se faisait pas, je ne sais pas. Enfin bref, on ne s'occupait pas de ça. Alors il me dit, je crois que j'ai trouvé. Alors dis-le. C'est parce que t'es grand que j'ai trouvé. Oui, je suis grand. Sinon, je te reconnais pas. Oui, mais arrête. Dis-moi, alors, c'est qui ? C'est Fredo. Ouais. Oh, ben putain ! Moi, j'ai pensé à toi des fois, tu vois. Je me suis dit, il a disparu, quoi. J'ai su, hein. J'ai su ce que t'avais fait, hein. T'as fait les 400 coups. Ah non, pas du tout. Ah non, là, popo, tu te gourres, hein. J'ai pas fait de 400 coups. Ouais, mais enfin, t'as quitté tes parents. Bon, j'avais 19 ans. C'est pas quitter ses parents que de les laisser à 19 ans. Non, mais après... Oh, je me rappelle pas. Tiens, tu bois un coup ? Non, pas le matin, pas à cette heure-là. Ouais, mais moi, je bois n'importe quand. Tu sais, je te verse un verre. Il verse un verre de rouge. Lui, il le fait d'une traite. Moi, je trempe mes lèvres, je le pose là. J'aime pas ça. J'aime pas ça, puis surtout le matin. Je dis, je voudrais bien m'asseoir parce que j'ai des douleurs. Et puis, je m'assois. Lui se met de l'autre côté de la table ronde. Puis, on se regarde. Alors... Maintenant, ça y est, t'as tout recollé. Oui, je vais pas dire que t'as pas changé. Ben, toi, t'as pas changé. Moi, j'ai pas changé, je suis devenu gros comme une vache. Voilà, t'as grossi, mais c'est tout. Moi, j'étais grand comme je suis maintenant. Quand tu m'as vu la dernière fois, je sais pas, disons à 18 ans, j'étais grand comme ça. Ouais, tu me l'aurais pas dit, j'aurais mis longtemps pour te retrouver. Maintenant, ça y est, je vois. Ben, je te raconterai ça tout doucement, on va peut-être se voir maintenant. Là, je suis de passage à Boulogne, je me suis dit, je vais m'arrêter, je vais lui dire un petit bonjour. Je vais me sauver maintenant. Ah, me dit, pas question que tu te tires, tu vas rester là, tu vas bouffer avec moi. Non, non, j'ai un rencard l'après-midi, mais tu iras à ton rencard, mais on va bouffer tous les deux. Ah non, dit, tu sais, je pas te bluffer, hein, mais dans le fond, je t'ai pas tellement oublié. Alors maintenant que je te retrouve, que j'entends ta voix, t'as vachement changé, hein. Mais toi aussi. Oui, mais moi je compte pas. Pourquoi tu comptes pas ? Popo, c'est Popo. Ouais, mais Popo, tu vois pas qu'est-ce que c'est Popo ? C'est une ruine. Non, je trouve pas. Ah, tu trouves pas ? Ben, je te souhaite de pas tomber à la moitié de ce que je suis tombé, moi. Je peux rien foutre. Je vais à la mairie. Je touche mes bons. Puis je donne les bons à l'épicier. Puis je me fais nourrir comme ça. J'ai pas de pognon, j'ai que dalle. Mes vieux sont morts, c'est fini. Oui, mais je vais pas te raconter ça. C'est toi qui vas me dire si... Je sais pas ce que t'as fait. Je lis un peu, je lis... Hein, des fois, on me donne le journal, des fois, je vais au bistrot, on me file un illustré. Je peux rien faire. Je tourne en rond ici, dans la baraque. Je dors le jour, je marche la nuit. Je suis complètement déréglé. Mais t'as essayé de montrer tes mains à quelqu'un. Ils peuvent rien faire avec ça, c'est foutu. Mais on me l'a dit, on m'a emmené dans les hôpitaux, ici et là. Non, moi, je laisse tomber. Je reste avec ce que j'ai. Oh oui, je me rappelle. Mais même à l'école, tu pouvais pas écrire. Oh, à l'école, je me démerdais, je coinçais entre le pouce. Il y avait un trou, là, un peu, tu vois. Entre le pouce et l'index, il y a un petit passage. Puis je sais pas pourquoi, comment. En tous les cas, il s'est recollé. Et des deux côtés, parce que si c'était recollé qu'à droite, ben, je me serais servi de ma main gauche, j'y serais arrivé. Mais il s'est recollé. Alors, je peux pas serrer, il faut que je fasse ça avec une ficelle. Non, c'est... Si tu veux, c'est plus pour moi. C'est pas de mon âge de se maquiller comme ça. Alors je me planque, je me montre pas. Je connais un bistrot, bon, alors d'accord. Je me tourne pour boire et prendre mon verre. Voilà, ça c'est la vie de Popo. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on bouffe ? Bah écoute, d'accord, on va bouffer tous les deux. On va pas aller bouffer dans un bistrot, ça va te faire chier. Ah oui, tout à fait. Alors je vais aller faire les commissions. Ah, si tu veux, je vais préparer, c'est ma vaisselle, je la fais, je sais pas moi, tous les 10 jours. Hein. Alors je vais faire la vaisselle, je vais faire un petit coup de balai, puis je vais recevoir mon petit copain Fredo qui est revenu. Oh, oh, oh le con, dit, c'est pas une surprise, c'est pire que ça. Jamais j'aurais pensé que je te reverrais. Bon, alors, qu'est-ce que je vais chercher ? Qu'est-ce que tu veux qu'on bouffe ? Du pain, d'accord. Je reviens avec du vin, du rouge, du blanc, qu'est-ce que tu préfères ? Du rouge ? Bon, t'as un panier, toi, à vin? Oui. Oui, il est là. Eh ben, on va le remplir, on va mettre 6 bouteilles dedans. Mais attention, c'est pas 6 bouteilles qu'on finit, hein. On boit un petit coup, je bouffe et je me targue. Ouais, d'accord. Alors, tu veux du jambon? On va pas faire de la viande, tu sais pas cuire un beefsteak, toi. Si, je sais cuire, mais des fois, je le fais tomber par terre. Non, mais du jambon, c'est bon. Tu prends des cornichons. Tu vois, ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas bouffé. Des cornichons, puis qu'est-ce que tu pourrais prendre? Des rillettes. Tu vas me faire des tartines. Tartines de rillettes pour Popo. Ah, c'est la fête. Allez, je te prends encore autre chose. Chez le boulanger, t'aimes les gâteaux? On se prend chacun un éclair? Ouais, éclair, ouais, d'accord. Chocolat, alors. Eh ben, on se prend 2 chocolats. Allez, à tout de suite. Je descends les escaliers. Je passe la petite courette, le couloir, la rue. Je m'arrête. Je m'appuie à l'angle du couloir et de la rue de Billancourt. J'arrive pas à trouver mon souffle. D'un seul coup, quelque chose s'est écroulé, s'est cassé, je ne sais pas. Mais je comprends que c'est le choc. J'ai reçu un choc. Lui, il est peut-être appuyé à sa table et il n'arrête pas de dire « Merde, merde, merde, merde, Fredo est revenu. » Moi, je pourrais dire « Popo est là. » Bon, mais qu'est-ce qui me rattache à Popo? Faut quand même pas que je fasse le con. Faut pas que j'aille faire chez lui une surprise trop bonne et puis qu'après, il ne me revoit plus. Parce que je sais pas que je... J'ai pas envie de le revoir, mais je vais pas venir toutes les semaines, même pas tous les mois, hein, je me connais. Je suis allé là déposer mon petit porte-bouteille. J'ai dit, vous m'en mettez 6, qu'est-ce que je vous mets? De l'ordinaire, du 10 degrés, du 12 degrés? Non, vous me mettez du petit Beaujolais si vous avez. Il est bon? Oui, bon, vous me remplissez ça. Je vous le paye maintenant, puis ça y est, je reviens après. Je vais au boulanger, je passe au boulanger, j'achète un morceau de pain. Un pain entier d'ailleurs, un bâtard. Et puis je vois des gâteaux, je lui dis, bah, vous allez me donner des gâteaux, qu'est-ce que c'est ça? Des tartes. Bah, vous me donnez 2 tartes et puis vous me donnez 2 éclairs au chocolat. Ouais. J'ai dit, je vais faire 2-3 cours, je reprends ça en revenant. Je vais chercher des fruits, je prends, je descends après de l'autre côté sur le charcutier, des jambons, je sors, je paye. Ah, j'ai oublié, des cornichons. Il m'a dit, oui, j'ai des cornichons. Cornichons au sel, des cornichons dans un bocaux. Dans un bocaux ou des bocaux? Oui, enfin, vous voulez que ça soit dans du verre ou je vous les mets comme ça dans un petit récipient en carton? Non, dans un petit récipient en carton, oui. Beaucoup? Ouais, pas mal. Puis vous mettez de la moutarde avec. Alors 2 tranches de jambon, puis du saucisson. Quoi? Je sais pas. Bah si, vous avez une préférence. Pas vraiment. Du salami? Ah, du salami, très bon. Du salami puis du saucisson à l'ail. Vous en avez? Ouais. Bon. Alors disons 5-6 tranches de chaque. Vous me faites un paquet? Voilà. Je prends mon paquet, je la paye, je sors, je passe chercher mes fruits, je passe reprendre mon pain, mes gâteaux, je passe prendre mon pinard, je remonte chez Popo. J'arrive là-haut, je toc-toc, puis je rentre en même temps. La table est belle et propre, la toile cirée, nickel. Il a mis des assiettes, couteaux, fourchettes. Il y a de l'eau qui chauffe. J'ai dit, c'est pourquoi ça? On va pas cuire. Non, on va se faire un petit café. Ma spécialité, c'est le café bien serré. Ah, bah ça sera bien. Voilà, alors on met ça dans des assiettes aussi, alors on fait une installation très belle, on se met ça entre nous, et lui tout de suite, il pète un bouton et il sert à boire. Et il fait cul sec, un verre comme ça. Moi je prends une cuillère à soupe. Ah, il me dit, tu vas pas me laisser boire tout seul? Non, non, je t'accompagnerai, mais pas tout de suite comme ça. Bon, alors resserre-moi. Je lui resserre, un godet, toc, cul sec. Je dis, hop, halte là, Popo. Si on veut un petit peu comme ça parler... Faut pas que tu sois pinté, hein. Oh, mais mon vieux, j'ai un coffre terrible. Moi, je me fais dans ma journée mes 2-3 litres. Oui, ben, pas avec moi, c'est pas la peine. Alors, tout à l'heure, on va manger, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me dis qu'on va s'allonger sur le plumard et puis tu vas parler. Non, c'est toi qui vas dire. Tu vas dire comment... Ah ben, avec combien tu vis par mois? C'est pas intéressant. Puis j'ai une petite aide. J'ai une organisation, tu vois. Organisation de quoi? Les curés. Ah bon, tu vas avec les cathos? Je vais pas avec les cathos, mais je vais à l'église quand même de temps en temps pour qu'ils me voient, il faut pas qu'ils m'oublient. Alors ils te donnent une enveloppe. Non, c'est une femme qui vient, qui m'amène une enveloppe, je signe un petit papier comme ça, avec moi. Je fais une croix. Clac, clac. Et tu vis avec combien dans ton mois? Oh, ça va, ça va. Si c'est comme ça jusqu'au bout, ça va. Comme je ne sais pas où est le bout. Alors allonge-toi à côté de moi. Viens. Non, je vais me mettre à tes pieds là-bas au bout. Donne-moi un coussin. Alors on se met face à face, ses pieds contre mes pieds. Et puis lui me dit, j'attends. Je lui dis, j'attends. Moi aussi, j'attends. Non, toi, tu commences. Alors, t'es à Paris maintenant. Je suis à Paris maintenant. Et c'est pour ton boulot. Non, c'était pour fuir ce que j'ai laissé à Marseille. Tes parents. Moi, je ne fuis pas mes parents. Je les ai prévenus que j'allais me tirer. Ah oui, bah tu t'étais marié. Voilà. Et tu l'as plaqué. Voilà. Et t'as eu des minots ? Ouais. T'as plaqué les minots. Eh oui. C'est mon problème. Oui. J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas. Bon, d'accord. D'accord, mais comme ça, je vois plus clair. Et à Paris, t'as trouvé quelque chose ? Une piole, c'est cher, hein ? Pour le moment, j'ai une petite piole de bonne. Enfin, c'est une grande piole de bonne. Elle est séparée en deux par un petit couloir qui est devenu notre cuisine. Ah, parce que vous vivez à plusieurs là-dedans ? Non, parce que je vis avec une autre femme. Ah, bah tu perds pas de temps. Non, c'est pas ça. C'est une femme que j'ai rencontrée, que je connaissais pas et que je n'aurais certainement jamais rencontrée si je m'étais pas trouvé un jour là où elle allait, au même endroit que moi. Hein, tu vois, c'est comme ça que ça se fait. Et alors vous êtes à la colle. Oh, oui, si tu veux, on peut dire on est à la colle. Et elle sait que t'as été Marida ? Oui. Bon, c'est une fille qui est pas mal, alors. Oui, oui, t'as raison, c'est une fille qui est pas mal. Et ça va pas faire des salades avec les mômes ? Non, pour le moment, c'est pas le problème, tu vois. Les mômes, ils sont pas mal là où ils sont. J'y pense pas trop, j'ai quelque chose plutôt, moi, à faire. Ah, tu veux faire quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, j'ai mon idée. Bah, tu veux pas me la dire ? Si, bien sûr que je vais te la dire. Mais c'est une idée qui est... Non pas qu'elle soit difficile, mais... Comment te dire ? Ça y est, je suis ému, ça tape dans l'aine. Écoute, je fais des choses. Ben oui, mais quelles choses ? Je fais un peu de dessin. Ah bon ? Et tu gagnes ta croûte avec ça ? Non, pas du tout. Mais alors comment tu bouffes ? Puis elle, comment elle becte ? Et moi, je suis parti de là-bas, j'étais malade. Et je suis encore un peu. Alors pour le moment, je suis couvert par une petite chose comme ça, quoi, tu vois. Mais bientôt, il va falloir que je sais pas, que je découvre le Pérou. Ah ben, il n'est pas ici, le Pérou. Non, je sais, il n'est pas ici. Et puis ça t'est venu comment, ça ? Tu fais des dessins, tu ferais mon portrait ? Non, jamais. Parce que j'ai le moche ? Non, non, pas ça. Parce que je ne sais pas faire un portrait. On peut faire un dessin sans savoir faire un portrait. Ah oui ? Alors qu'est-ce que tu dessines ? Rien pour le moment, c'est des conneries. Tu m'étonnes, t'es pas un type à dire des conneries, toi. Bon, t'es gentil, mais... Voilà, il y a ça, puis il y a d'autres choses qui tournent. Ça tourne en moi. Mais qu'est-ce qui tourne en toi ? Je sais pas, moi. Écoute, faut arrêter de me poser trop de questions, Popo, parce que ça me met pas bien par moments. Ah bon ? Bah alors t'as qu'à parler tout seul. Moi, je t'écoute. Alors, que je te dise, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure quand ? Ben, quand je suis venu. Ah, quand t'es venu ici ? Non, enfin, je veux dire, tout à l'heure, avant que je vienne chez toi, je suis passé chez mes vieux, là où étaient mes vieux. Ah, là-bas ? Sur la chaussée ? Ouais. Qu'est-ce que t'as été foutre là-bas ? Je sais pas. Un besoin. Et alors ? Mais alors, je suis descendu à la cave. Ah, t'as pas été au premier, là où ta mère avait fini par dégoter l'appartement ? Non, là-haut, ça m'intéresse pas. Non, je suis descendu à la cave. Bah, t'as descendu là où on descendait tous les deux, ouais. Où il n'y avait pas de lumière, ouais, tu t'en rappelles ? Bien sûr. Et puis j'ai attendu, elle était vide. Et, bah, j'étais ému, oui. Et alors ? Ben alors... Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, mais chaque fois que je suis comme ça, un peu tendu, j'ai mal, là, dans l'aine. Dans l'aine ? Là, dans l'aine, là, près de la bite. Là. Ah oui ? Et quand t'appuies, non ? Comme tu marches, oui, des fois, ça me le fait venir. Et puis ça vient aussi tout seul, surtout tout seul. Quand t'es allongé, allongé ou debout, ou assis, là, je l'ai. Bah merde, alors, et pourquoi tu l'as? Eh ben, parce que... Quand j'ai comme de l'émotion. Voilà, tu me poses des questions. Où t'étais? Je te dis, je suis descendu à la cave. Et tu me dis, comment c'était? Je te dis, j'ai une émotion. Et puis, ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu l'émotion, ben, ça me fait mal. Eh ben, alors dis donc, il faudrait que tu n'aies jamais d'émotion. Non, au fond, tu aimes les émotions. Non, c'est pas ça. Mais au fond, je ne m'en passerai plus maintenant de ça. C'est pas du tout devenu quelque chose que je fabrique. Tu vois, jamais j'ai fabriqué ça. Ça se fabrique pas. J'en ai parlé une fois à un toubib, mais il n'a pas compris. Je lui ai dit, c'est quand j'ai une émotion. Et lui, il m'a dit, quand vous avez peur. Ouais, je lui ai dit, c'est vrai. Ah bon, c'est nerveux, ça. Et je dis, non, mais là, j'ai une boule. Montrez-moi. Alors, j'ai montré, j'ai baissé le fendard. Il a touché, il m'a dit, ah ouais, c'est gros, hein. Mais c'est pas une hernie, hein. Non, c'est une grosse glande. Ben, j'ai dit ça, on me l'a déjà dit. Mais c'est ma star, hein. Oui, faudrait montrer ça. C'est pas un généraliste. Faudrait aller à l'hôpital et puis montrer ça. Ça doit s'opérer, ça. Merci, bon, je dois combien, je suis parti. Jamais d'hôpital. Je veux pas qu'on me la touche. J'y tiens. Comme mes mains que Popo n'a pas. Alors Popo, il me dit, bon, mais continue, je sais pas où on en était, tu peux faire ce que tu veux, tu prends un cours de route, ça fait rien, je t'écoute. Alors, tu me dis que t'es descendu dans la cave. Eh ben, ça n'a pas changé. La cave, c'est toujours la cave, il y a toujours la petite fenêtre, la cour. Et là, je peux te dire que j'avais mal dans l'aine. En voyant la petite fenêtre, ouais, oh connard, pourquoi connard? Oh non, non, je te dis connard, mais moi aussi, ça m'aurait fait quelque chose. Hein. Alors après, bah après, j'ai entendu descendre les escaliers de la cave. C'est vrai? Oui. Mais il y a une concierge là-bas. Non, il n'y a plus de concierge maintenant, il faut appuyer sur des boutons. Oh les vaches. Et alors, qui c'est qui descendait? Bah, sur le moment. Mais je t'assure que je me demandais, est-ce que ça, c'est... ma glande qui le fait, ou c'est que c'est quelqu'un qui descend? Comment ta glande, elle fait tac-tac? Oui, c'est encore une autre chose. Mais c'était quelqu'un qui descendait. Donc c'était quelqu'un qui avait comme des talons, tu vois. Ça tapait sur les pierres. Tout doucement, c'était discret. Ça pouvait être qu'une femme. Ah, connard, partout où tu vas, il y a des rombières, toi. Oui, ben, t'es pas loin de la vérité. J'ai regardé le bouton de la porte, il a bougé. La porte s'est ouverte, puis c'était une petite fille qui rentrait. Elle a dû avoir les jetons, dit. Non, non, j'y ai dit, faut pas avoir peur. J'ai habité ici. Mon lit, il était là. Puis la table, elle était comme celle-là, ronde, là. Et puis, je vais m'arrêter en repartant, tu vois. Je lui ai dit, je repasserai. Alors, je passe à Berre, elle m'a dit qu'elle rentrait tard le soir, je ne sais pas ce qu'elle branle, mais... je voudrais bien la revoir. Quand je viendrai te revoir une autre fois, je m'arrêterai pour voir la petite. J'ai des questions à lui poser. On va savoir si elle a découvert les secrets que je découvrais, moi. Mais je suis sûr qu'elle les a découverts. J'ai commencé à les retrouver grâce à elle. Grâce à la cave. Et puis grâce à ma glande. Alors on attaque? Ouais, on attaque. Alors que bah, tu restes toi allongé, t'es bien là. Mais on va pas dégueulasser les draps. Oh là là, les draps. J'ai le droit de les faire laver une fois par mois. Bon. T'as pas quelque chose qu'on pourrait mettre sur nos genoux? Ouais, si tu veux, tu prends une serviette et puis on va se mettre toi une serviette, moi une serviette, voilà. Allez, serre à boire. Alors je serre à boire, il le liquide encore un coup. Je lui dis, écoute, je vais te mettre la bouteille à côté de toi, mais tu la tiens bien debout contre ton oreiller, hein, parce que tu vas quand même pas faire une tache là-dedans. Mais non, t'en fais pas. Puis de toute façon, je me servirai pas à boire tout le temps. Donc moi, je bois comme ça, directo. Ouais. Alors, mon vieux Popo, t'as retrouvé un vieux copain. Faut pas trop que tu comptes sur lui, parce que le vieux copain, il compte pas non plus sur lui-même, mais j'ai quand même fait non pas un effort, mais je suis venu jusque-là, et je savais pas que j'allais venir jusque-là. Je savais pas. Hier, je ne savais pas, je n'y avais pas pensé. Alors, si tu continuais à me dire qu'est-ce que tu vas faire à Paris ? À Paris ? À Paris, qu'est-ce que je vais faire ? Pour le moment, je me fais un peu chier, parce que la femme avec qui je vis, elle n'est pas à Paris. Ah bon ? Elle est dans un sana. Bon, ça, c'est des choses qui arrivaient quand on était gamin, mais maintenant, je ne savais pas que ça arrivait encore. Là, c'est arrivé. Alors, elle en a pour un an. Alors, tu vas pouvoir venir ici quand tu veux. Non, parce que moi, je te dis, il faut que je bosse maintenant. Mais tu m'as dit que tu ne bossais pas, c'était pas pareil que les autres. Tu bosses chez toi, oui. Alors, tu peux laisser tomber quand tu veux. Ah non, mais t'es ton patron. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, tu fais comme tu veux. Non, convenons si tu veux. Je t'enverrai un petit mot chaque fois que je voudrais te voir, puis je te mettrai le jour. Hein, c'est mieux, c'est clair. Ouais, si tu veux. Pourvu que tu n'oublies pas. Non, j'oublierai pas. Alors, qu'est-ce que tu fais du dessin ? C'est quoi un dessin ? À quoi ça ressemble ? C'est parce qu'on faisait à l'école. Tu travailles pour des types, des plans, des... Non. Et c'est quoi d'autre, alors ? J'arrive pas à voir. Et tu gagneras ta vie avec ça. Aujourd'hui, je le sais pas, mais je le crois par moments, ouais. Je l'espère, en tout cas. Oh, peut-être que je vais changer d'avis. Je vais faire autre chose. Ah bon ? Ah bon ? Et l'autre chose, ça serait quoi ? C'est pareil, je sais pas. D'abord, je suis seul, de me trouver seul, ça m'ébranle, tu vois. Souvent, j'ai mal à l'aine parce que je me trouve trop seul. Je m'attendais pas à avoir un coup pareil, mais on fait face. Bon, je te resserre encore un coup à boire. Non, laisse-moi, moi je le finis mon litron. Et il s'envoie la fin de la bouteille. Je lui dis, toi, t'es noir dans une demi-heure. Hein. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Levons-nous, mettons-nous autour de la table. Et c'est moi qui te servirai. Il se lève, on ramène notre barda. Là, on était peut-être, à la mortadelle ou au saucisson à l'ail. Il bouffait pas avec la fourchette ni avec le couteau. Il prenait avec ses espèces de pinces qu'il avait. Ça me faisait aussi souffrir. Ça me donnait pas d'émotion. Et je n'entendais pas ma boule faire. Non, pas de ça. C'est pas drôle, mais ça me portait à un peu à de la tristesse. Donc Popo, il pouvait ne pas me faire vibrer. Il me faisait vibrer une fois, deux fois, puis après ça... Donc ça allait s'éteindre. Il n'y aurait plus de Popo dans un mois, dans deux mois. En tous les cas, quand Cécile reviendra, ça sera fini. Ah, c'est quand même un peu raide. Tu te fais plaisir et tu fais plaisir à un gars, mais c'est avant tout à toi que tu te fais plaisir. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai vraiment du plaisir d'être là ? Et lui, pendant ce temps-là, et vas-y que je te bouffe, et vas-y que je prends ça avec mes mignons, et vas-y que j'approche le verre près de Fred et que je lui dis « Fredo, serre-moi, Fredo, serre-moi !» Puis je le vois noir. Noir, il a liquidé 2 litres, c'est pas possible. Et puis il s'est endormi, assoupi sur la table, poussé un peu son assiette et dans ses coups, il dort. Je prends les assiettes, je vais au robinet. Je lave ça comme je peux, j'essuie, je verse les verres qui étaient encore un peu dégueulasses, je fous les bouteilles d'épinards dans le coin, je veux plus qu'on y touche. Qu'est-ce que je vais faire ? Si je sors, je reviens pas. Je vais m'allonger sur son plumard. Si je m'endors, là, je suis beau. Non, j'ai fait une bêtise. Bon, ça m'apprendra. Et pourtant, mais si je reviens pas, Popo va être... Ça va être un drame pour lui, ça peut être un drame pour lui, ça sera peut-être pas un drame. À savoir, Popo, il n'est pas plus con que moi. Ah, pas du tout. Je suis allé faire un tour, pour être sûr que j'allais repasser par Popo. J'ai laissé ma veste. Comme ça, j'allais bien passer la prendre. Je suis retourné dans le parc de l'ancienne mairie. Je me suis assis, j'ai fumé une petite sèche. Parc de l'ancienne mairie. Je me fous sur un banc. Cigarette. Ouh, ouais. Faut que je revienne chez Popo bientôt. Je reviens encore avec quelque chose qui pourrait lui le retenir. Je vais lui acheter des illustrés. Pff, je me suis foutu dans un petit merdier. C'est pas grave. Je vais lui laisser un peu de fric. J'en ai pas beaucoup, mais je peux lui laisser du fric un petit peu. Tout doucement, je reviens. Rue de Billancourt, je descends, premier couloir, la petite cour, deuxième couloir, deuxième cour, pouf, non, je monte. J'arrive à la porte de Popo, je gratte. Rentre, rentre. Il m'avait vu. Il m'attendait à la fenêtre. Il me dit, j'étais sûr que tu reviendrais, t'as oublié ta veste. Je dis, non, je l'ai pas oublié, je l'ai laissé là. J'ai sorti sans ma veste. Ça y est, tu t'es un petit peu dénoirci, là, parce que tout à l'heure, t'en mettais un rayon, hein. Oh, faut pas être comme ça. Si tu m'accompagnais, j'aurais moins bu. Oui, d'accord, mais je t'accompagnerai pas. Je peux pas beaucoup toucher le pinard. Bon, alors, écoute. On va bouffer ce soir, il reste encore là. Il reste beaucoup de choses, hein. On va se les bouffer tous les deux, puis tu vas rentrer. Si tu veux, oui. Tu veux pas coucher ici? Non, pas du tout. Non, puis faut que je rentre à la maison. Je vais voir si je peux un petit peu travailler. Oui. J'ai besoin de quelque chose que je cherche. Mais qu'est-ce que tu cherches? Une femme, t'en as une, mais t'as pas de peau. Elle est malade, puis les tubards, hein, faut faire gaffe. Hein. Non, faut pas faire gaffe avec les tubards. Un tubard, c'est toujours gentil. Tu m'entends? Oui, je t'entends, je te crois, si tu le dis. Non, je me cherche. Tu te cherches ou tu cherches? Les deux à la fois. Tu te cherches en cherchant. Oui. Oui, c'est ça. Je me cherche en cherchant. Mais ça se trouve pas comme ça. Quoi? Parce que je cherche. Oh, dis, on va devenir jobard, là, hein? Change de disque. Non, je te réponds sérieusement. Tu m'aides un peu en parlant comme ça, librement. J'ai pas avec qui parler. Je tourne toujours tout ça dans ma tête. Bon, ben, c'est ça. Il faut que j'arrive à ça. C'est pas une confidence que je te fais, mais enfin, j'ai lu beaucoup. Peut-être même j'ai lu trop. Je sens. Quoi? Ben, je sens. Ben, je comprends pas. Je sens dans ce que j'ai lu que tu voudrais faire pareil. Ah non, pas que je voudrais faire pareil. Non, mais il y a certains types qui sont arrivés. À quoi? Oh, je suis content de te parler de ça parce que j'ai pas besoin de t'embêter avec ça, quoi. Non, tu m'embêtes pas, mais je voudrais comprendre. Je peux pas t'aider, je suis sûr que je peux pas t'aider. Mais si tu me disais ou si tu... Comment arriver à exprimer? Oui, c'est ça. Merci. À exprimer. Si je pouvais exprimer ce que je ressens, parce qu'il y a des trucs que tu dis que je ressens. Alors, essaye. Essaye. Ça me ferait plaisir. Ça m'aiderait peut-être pas. Mais ça me ferait plaisir. Alors, si tu me fais du plaisir, c'est que tu m'aides. Oui. Alors, attends. Oh putain, heureusement que j'ai arrêté de boire, parce que maintenant, je pourrais plus. J'ai la tête qui gonfle, hein. Tu voudrais arriver à faire ce que d'autres font. Bon, oui, il y a un peu de ça, mais c'est un peu ça tous les hommes et toutes les femmes. Tandis que là, c'est pas un métier, tu vois. C'est pas un métier. Puis je pourrais pas me plier, même s'il fallait apprendre. Je suis rentré dans un atelier. « Ouah, t'es retourné à l'usine, tu vois ?» Non, c'est pas l'usine. Un atelier, on appelle ça un atelier. C'est un peintre qui donne des cours de dessin. Et... Oh là là, mais t'as dû te faire chier là-dedans. Oui, t'as raison, c'était pas pour moi. Je suis parti. Il y avait des femmes nues qui mettaient les mains en l'air, qui une épaule un peu sur le côté, qui se mettaient en biais. Des femmes qui étaient comment? Ah, des femmes qui étaient nues. Putain, des femmes nues qui étaient là. Mais non, mais c'est pas ce que tu crois. Mais il fallait sortir quelque chose de ça. Ben, non. Non, pas encore ou jamais. Mais c'était pas ça pour moi à ce moment-là. Voir des femmes, reporter des femmes, la chair pour moi, c'est autre chose. Pourquoi tu t'arrêtes de parler? Non, parce que je pensais. Alors tu parles maintenant? Oui. Je vais parler, je vais te dire. C'est que maintenant, je trouve, enfin, d'une certaine manière, j'ai fait un pas, tu vois. Il faut faire quelques pas, faut pas faire des kilomètres. Il faut faire quelques pas pour pouvoir se lancer un petit peu, tu vois, se lancer non pas dans la descente, mais se lancer dans la côte et pouvoir la monter. Sans que ça fasse tac-tac ici dans l'aine et sans que ça fasse poum-poum dans le cœur. Non, je te comprends pas bien, mais enfin, disons, admettons, hein, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Si, ça pourrait même t'aider, même toi. Pourquoi moi tu me prends pour un con, même moi? Non, c'est pas du tout ça. Alors peut-être surtout toi, ça pourrait t'aider à tenir. Parce qu'il y a des moments où tu dois te faire cac, hein. Ouais, t'as raison, Fredo. Oui, bah si tu pouvais, je sais pas, si tu pouvais faire du dessin, j'en ferais pas. Non, mais c'est pas le dessin, faut pas se tromper, tu te cernes là-dessus, le dessin. Après tout, je m'en fous du dessin. C'est pas vrai, là tu mens, je suis sûr que tu mens. Non, je me fous pas du dessin, c'est sûr, mais... Ah, je vais te dire ça, tu vois. Oui, je t'écoute. Vas-y, Fredo. Non, vas-y, pas Fredo. J'ai de stupides envies d'écrire. Hein? Ça te renverse? Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? D'abord, qu'est-ce que tu veux écrire? Oui, là, faut pas demander. Mais ça, d'être allé tout à l'heure, dans la cave, d'avoir trouvé une gamine, là. Elle était là, c'est sa pièce. Je sais pas quel âge elle a, moi je lui donne 8-10 ans. Ben moi j'ai eu 8-10 ans, puis j'étais dans cette pièce, c'était ma pièce. Je lui ai demandé si elle était bien, elle m'a dit oui. Je lui ai demandé si sur la table elle faisait des dessins, elle m'a dit oui. Et ben maintenant je voudrais la revoir et lui dire, est-ce qu'il y a par terre, tu l'as déjà vu? Ça t'a posé des questions, tu t'es demandé ce que c'était? Je l'ai pas fait, mais je vais aller la voir. Alors tu me le dis, toi? Non, je te le dis pas. Pourquoi tu me le dis pas? Moi je suis allé chez toi, je l'ai vu ce que tu dis, mais je me rappelle pas. Non. Faut pas me toucher à ça. C'est une petite que je veux revoir. Ouais, t'es coquin? Non, je suis pas coquin. Je suis comme ça, je te l'ai dit. Mais j'y arriverai pas. Voilà. C'est ça mon problème. T'arriveras pas à quoi? Avec la petite? Mais non, oh putain, t'embrouilles tout. Je n'arriverai pas avec l'idée que je me fais du besoin que je ressens et de cette saloperie d'émotion que j'ai en moi qui, à des moments, ça me serre la gorge. Je croyais que ça te serrait les couilles. Et puis ça me serre les couilles aussi, si tu veux. Tu peux te foutre de ma gueule? Je me fous pas de ta gueule, t'as l'air de te fâcher, là. Moi, je suis pas du tout en train de te foutre de toi. Je me vois bien un jour, me levant, mettant une feuille de papier sur une table, prenant mon crayon, et j'écrirai. Ouais, bah, je l'ai compris depuis tout à l'heure, mais je voulais pas te le dire. T'as envie d'écrire. Voilà, il y a des types qui font ça, comme il y a des types qui dessinent. Toi, t'as les deux. Parce que tu t'appelles deux. Ouais, c'est vrai. Parce que je m'appelle deux, peut-être. Voilà. Bah écoute, on s'est dit beaucoup. Si t'es d'accord, je sais pas quelle heure il est. Ah bah attends, j'ai mon réveil. Bah il est 6h20 à peu près. Tu veux partir? Ouais. Ah bon? Et tu reviens quand? Peut-être demain. Oh, mais c'est le paradis! Oui, peut-être demain. Parce que je t'ai dit que j'allais avoir des choses à faire. Ah oui, maintenant je vais comprendre quand tu viendras pas. Ah non, c'est pas du tout ce que tu crois là. Je crois rien. Non, alors je me tire. Si je viens demain, je viens dans le début de l'après-midi, ça va? J'aurais déjà un petit peu bouffé, toi aussi, mais le soir, on se fera une petite bouffe tous les deux. Je l'aurais acheté dans mon quartier, là-bas, des trucs avec de la mayonnaise, t'aimes ça? Du céleri rimoulade, tu connais? Oh, c'est rare. Ça, j'en mange pas beaucoup. Bon, bah alors voilà. Donc, Popo, je te dis ciao. À demain. Je suis content. Je t'ai pas emmerdé, je crois pas. Et moi non plus, Fredo, je crois pas que je t'ai emmerdé. À demain. Tu fais gaffe, là, il n'y a pas de lumière dans l'escalier, il commence à faire nuit. Allez, salut. Tu touches pas beaucoup au pinard, hein, parce que je reviendrai pas avec du pinard. Il faut qu'il y en aille encore, là. Hein. Ouais, j'y toucherai pas. Un petit verre ou deux, puis c'est tout. Je sens que je vais dormir. Je vais faire des rêves. Tu rêves? Quand je dors, je suis rond. Oui, mais là, si tu dors avec tes parents, tu vas faire un rêve. Ouais. Allez, ciao, à demain. Ciao, Fredo. Je suis descendu. Dans la rue de Billancourt, j'ai pris à droite, j'ai longé le petit square de l'ancienne mairie. Ça va. Je vais à droite ou à gauche? Je vais à gauche. Et je vais où? Voir la petite. J'ai dit à propos que demain j'allais venir, mais c'est pas malin. En tous les cas, j'y vais demain, mais je n'y retournerai plus. Enfin, si, j'y retournerai. Je ne vais pas dire que j'y retournerai plus. Et je ne me suis pas rendu compte. Je me suis endormi, tout habillé. Bon, cet après-midi, Popo, la gosse, après je reviens, et puis c'est fini. J'arrête de les voir. Si je vais chez Popo, j'y suis à 1h30. Ça fait un petit peu juste, il peut être en train de quoi, de dormir? Non, allez, je fonce, Popo. Je veux liquider un peu Popo. Après j'irai voir la petite. Je vais voir Popo. Je trouve que le métro ne va pas assez vite. J'arrive à Marcel Samba, j'ai l'impression d'avoir passé 1 heure dans le métro. Je cours dans l'avenue. Rue de Billancourt, je continue à courir, je passe devant le bistrot. Je vois la femme, j'ai fait un signe, bonjour. Le couloir de Popo, la cour, le deuxième couloir de Popo, je monte, la porte de Popo, toc toc, rentre, je t'attends. Excuse-moi, je suis en retard. Non, t'es plutôt en avance, mais j'aime mieux ça. Alors, ça s'est bien passé? T'as pu roupiller? Oui. Ça va, toi? Oui, ça va. T'as l'air mieux qu'hier. Oui, peut-être que je suis mieux qu'hier. Mais enfin, c'est pas gagné. Non, mais c'est comme ça. Et toi, comment ça va? Ça va. Oui, je suis content de t'avoir revu. Je suis embêté de savoir que je vais plus te revoir pendant un moment. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, t'as bouffé? Oui, j'ai grignoté. Toi, t'as bouffé aussi. Si tu veux, on va au bistrot, on va aller boire un café. Oui, je crois que je la connais, puisque elle m'a dit, Monsieur Popo, il vient ici de temps en temps. Ben, d'accord, on y va. On y va tous les deux, dans la rue. Il rit, je ris. On rentre dans le bistrot. Lui dit bonjour, madame. Moi, je dis bonjour. Alors, vous l'avez retrouvé? Oui, oui, bien sûr. Vous mettez à une table? Oui, Popo, il tourne le dos au comptoir. Il veut pas qu'on voit ses mains. Et puis je lui dis, tu viens ici de temps en temps? Ouais, j'ai deux copains qui viennent. On joue aux cartes. Ils sont gentils parce que moi, je suis obligé d'avoir mes cartes. Je les tiens pas. Je les mets debout contre ma main. Alors, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Ils me disent rien. Ils me font même gagner, mais là, ça me plaît pas. Mais je le vois pas toujours. Puis des fois, c'est moi qui gagne, vraiment. Et alors, t'en es où avec eux? Ils viennent quand? Ben, ils vont venir là. Ah, c'est pour ça que t'as dit on va aller boire un coup au bistrot? Ouais, parce que je leur dirais, je vous présente mon pote. T'as raison. Effectivement, deux types sont venus en casquette, en bleu. Plus vieux que nous. Bonjour, monsieur. Alors, Popo, il dit, ça, c'est mon copain, mon vrai pote, Fredo. Hein? Il en a jamais parlé, hein? Bah, comment voulez-vous que je parle? Je le voyais plus, j'allais pas parler de quelqu'un que je voyais plus. Il est venu hier. Ah, on a manqué de prendre une rinsade tous les deux ensemble. Oh oui, oui, moi je t'ai arrêté. Hein. Ah, Popo, il pompe, hein. Ça, faut lui dire qu'il faut pas continuer. Hein. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi je vais pas rester très longtemps. Écoute, on arrive, tu vas pas te tirer. Non, d'accord, mais pas très longtemps. Alors, c'est une idée bête, les petits chevaux. J'ai horreur de ça, je sais pas y jouer. Je fais n'importe quoi, je gagne pas, il gagne pas. Bon, on boit. À un moment donné, je dis maintenant, ça y est, c'est fait, je te ramène chez toi, on reste un petit moment encore et puis il faut que je rentre à la maison. Et en partant, je dis à la femme, si ça vous dérange pas, j'ai des timbres poste avec moi, là, je suis passé tout à l'heure pour envoyer une lettre à une dame, si je vous envoie un petit mot pour vous demander des nouvelles de Popo, vous me répondrez, ou bien vous avez le téléphone? J'ai le téléphone. D'accord, mais vous me donnez aussi votre adresse, parce que j'ai regardé puis j'ai pas vu le numéro. Oh non, sur la boutique, il n'y a pas le numéro. Alors elle me donne son numéro, le café Madame Untel, très bien. Popo me dit, qu'est-ce que t'as la baratinée? Je dis, je la baratine pas, je lui disais merci, puis c'est tout. Je mets ça dans ma poche, on arrive chez lui. Oh, il y a quelque chose qui est comme épuisé. Il me dit, on boit un coup? Non, J'ai pas envie. Oh, ben moi, je boirais bien un coup. Bois un coup si tu veux, mais c'est pas la peine. T'as assez bu comme ça hier. T'as bu pour 8 jours, là. Les litres que je t'ai amenés, faut que ça te fasse plus qu'une semaine. Ouais, peut-être. J'ai repensé, tu sais, à ce qu'on s'est dit, hein. Dans la nuit. J'ai pas dormi toute ma nuit, hein. Et je me suis même demandé qu'est-ce qu'il est en train de foutre, lui, là-bas. Et tu sais ce que j'ai fait? Non. Tu t'es foutu au paddock, quoi, comme moi. Puis t'attendais que ça vienne, puis ça vient pas. Non, je me suis mis à ma table. Et j'ai fait 2 aquarelles. C'est vrai. Et qu'est-ce que c'est, les aquarelles? Bah, c'est avec de l'eau. L'aquarelle, ça, c'est ça. À quoi? C'est l'eau. Oui. Et puis c'était quoi? Une, elle est devenue la lettre pour Cécile, que j'y ai déjà envoyée. Puis l'autre, c'est comme un verger, tu vois. C'est pas très malin de ma part, parce que je prends ça de quelqu'un qui est un peu mon modèle, tu vois. Je le copie pas, mais j'ai besoin de sentir comme un père à côté de moi. Alors, j'ai fait en pensant à lui, en pensant à une chose qu'il a faite. C'est pas bien, je le sais bien que c'est pas bien. Mais j'ai fait un saut, quoi. Quelque chose s'est passé. C'est un petit peu parce qu'on s'est revus, qu'on a remué tout ça, que je suis descendu à la cave. Tu comprends, toi? Oh, je te comprends très bien. Toi, t'es venu, il y a quelque chose aussi qui a changé pour moi. Bon. Écoute, tu sais ce que j'ai pensé? Je suis venu de chez moi. Je suis venu avec une paire de gants. Cette paire de gants, c'est pour toi quand tu sors. Tu te les fous aux pattes. Tu peux avoir tes mains sans les mettre toujours dans tes poches. Et puis, je suis pas sûr que tu aies des poches, toi. Ah oui, une paire de gants, c'est bon, ça m'irait bien, ça. Ça les cacherait, parce que, je vais te dire, on va pas aller à la maison, maintenant. Si tu es d'accord. Si tu veux. J'y ai pensé cette nuit, ouais. Bon, je te l'ai dit hier, ça me fait chier, mes mains. Oui, je sais. Si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Bah, je ferais pas grand-chose, parce que ça, c'est... Tu les as. On peut pas te les arranger, enfin, j'y crois pas. À moins qu'il y ait un miracle, mais tu sais... Eh ben, justement, tu vas venir avec moi. Justement quoi? Non, je te dis justement, comme ça. Tu vas venir avec moi. Où? Pas loin d'ici. Oui? Allez, allons-y. Tiens, toi, tes gants, je les garde bien, puis je les mets comme ça. Oui, oui, d'accord. Surtout les paumes pas, hein. Enfin, les paumes pas. Si tu les paumes, c'est rien, je t'en ramènerai une autre paire, mais enfin, là, je vais être absent pendant quelques jours, hein. Ouais, ouais, tu m'as déjà prévenu. Et puis, on arrive à la rue de l'ancienne mairie. Alors, sur le coup, je lui dis, tu veux m'emmener à la villa, là? Quelle villa? Non, je dis ça en rigolant. Mais c'est rue de l'ancienne mairie, tu le sais. Oui, mais c'est pas à l'école que je vais. Ah bon? Et où est-ce que tu vas? En bas. Alors, en bas, je regarde. Ah oui. Non, mais c'est pas vrai. Je me dis à moi-même, c'est pas vrai. Popo, il va pas m'amener à l'église. Il y avait l'église, c'est une petite église, qui s'appelait l'église de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Mes parents m'ont fait faire la première communion là-dedans, mais c'est tout. Je lui dis pas, je lui demande pas. On s'approche de l'église, sur le côté, le trottoir, c'est le trottoir de l'église. Je lui dis, c'est encore loin? Non, non, non, patience, patience. Mais je vais retirer les gants pour rentrer. J'ai compris, c'est l'église. Je le dis pas. Et je le vois qui tire en dessous son bras un gant, un deuxième gant, puis hop, il les rattrape. Il les glisse dans sa poche. Je lui dis, parce que tes mains, tu peux pas rentrer dans une église avec des gants? Non, non, je suis jamais rentré dans l'église avec des gants, alors je vais pas commencer aujourd'hui. Attends, tu me laisses passer le premier. Tu vas voir. Quoi? Tu vas voir. Bon, alors on monte. Ah, ça me revient. Pour finir de monter les quelques marches qu'il y avait pour atteindre le perron de l'entrée de l'église, une douleur à droite. Il se retourne et me dit « Ah, c'est la boule ?» Je dis « Oui, elle me fait mal. » « Mais on peut s'asseoir dedans ?»« Bah, bien sûr. » Il rentre, mais il m'attend pas. Alors je le suis. Il va dans l'allée du milieu. Puis d'un seul coup, il tourne. Il n'est pas très loin, non pas de l'autel, mais de la barre, de la grille qui est là où, pour communier, on vient s'appuyer. Je me rappelle de ça... Ça fait 20 ans. Et je vois Popo devant moi. Je regarde sa tête à l'arrière, vue de dos comme ça, C'est presque un cochon. J'avais jamais remarqué qu'il avait les oreilles cassées. Puis il est gros, qu'il est gros. C'est la boisson qui fait ça. Et puis, il me semble qu'il bouge. Il me semble, mais je suis pas sûr. Alors j'ai dit, Popo, ça va? Ferme ta gueule. Alors, mais il bouge, c'est vrai. Il va un peu d'avant en arrière, je sais pas. Il bouge. Et puis d'un seul coup, je vois, puis il y a ses deux bras qui se lèvent. Je vois ses deux meignons. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Il sort de là, de la rangée où il est, à deux, trois rangées devant moi. Il s'en va vers la grande barrière, face à l'hôtel. Il lève ses bras très haut. Il y a peu de lumière dans la chapelle dans la journée. Mais ces moignons, ces saucisses, elles brillent. Elles sont pas dorées, mais elles brillent. Un rose un peu jaune. Il faudrait que je fasse ça dans une aquarelle. Enfin, pas le con, on n'était pas là pour penser à ça. Pourquoi pas? On a le droit. Je m'approche un petit peu de Pompon. Quand je suis à un mètre de lui, je m'arrête. Et je vois, il a la tête penchée, mais les mains toujours très haut au-dessus de lui, et les bras presque raides. Et son corps a l'air de trembler un petit peu. Alors je me mets sur le côté, il s'est mis à genoux. Alors je me mets à genoux, mais moi je prends la barre, je m'accoude. Et je lui dis, Popo, s'il y a le cureton qui arrive, il va pas trouver que tu déconnes, non? Ta gueule. Bon, d'accord. Ça dure longtemps. Tu verras bien. Alors je me retire de là où je suis, je veux pas le gêner. Je me dis qu'il y a sûrement quelque chose. Ça commence à devenir plus clair. Enfin, qu'est-ce que c'est qui serait clair? Ben, il a retiré les gants. Oui, et alors, il lève les bras. Il lève les bras. T'arrêtes de penser, oui? Ah, merde, il m'entend même penser. Je continue. Ces deux mains, ces deux moignons, ces saucisses. Pourquoi il les fout en l'air, comme ça, tout au-dessus de lui? Popo, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose que tu fais, Popo, que je comprends pas. C'est peut-être très bien. D'ailleurs, c'est très bien. Je suis convaincu, c'est très bien ce que tu fais. Mais on est resté là. Oh, je vais pas mentir. Surtout pas dans une église. On est bien resté une demi-heure. Lui, les bras en l'air, moi je resterai pas. À un moment donné, il s'est retourné, les bras toujours en l'air, en me regardant. Il est... Oh, comment dire? Son visage irradiait. C'était comme un soleil, des tout petits yeux. Puis il y avait des gouttes. Je dis, bon, allez, Popo, maintenant, viens vers moi, viens. Il est venu, il a baissé ses bras. Je l'ai pris, puis je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé, puis il m'a embrassé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Écoute, j'attends ce que t'attends. C'est-à-dire, j'attends ce que t'attends, viens, on va s'asseoir. Alors je le laisse passer, il choisit une chaise, puis moi je me mets à côté de lui. Il me dit, non mais toi à genoux, faut faire, parce qu'il y a le bedeau qui passe, il me connaît, mais enfin. Et le fait est, on entend une porte qui craque, et puis un type qui, lui, il fait, mais ça c'est une canne, c'est pas son émotion. Il voit Popo, alors Popo lui fait un signe de la tête, comme ça, très cérémonial. Moi j'en fais aussi un. Et puis, ben, le bedeau, il a vu qui était là, il rentre, il connaît Popo. Alors Popo, il me dit, tu sais ce que je me suis mis dans la tête? Tu sais ce que je me suis mis dans la tête? Depuis quand? Oh, depuis, je sais pas, des mois. Mais depuis hier, je me suis dit que j'allais y arriver. Oui. Pourquoi tu dis oui? Oui, parce que je crois que je comprends. Ah oui? Et t'as compris quoi? J'ai compris que tu les offrais à celui qui est là-haut sur la croix. Hein? Oui. Et qu'en échange de ce que tu lui offrais, il allait t'en mettre une autre paire. Oui. Ouais, t'as raison. Ça viendra. Tu le fais tous les jours? Oui. Faut pas y aller trop fort, faut pas bousculer. Faut pas venir quand il y a du monde. Ah, toujours à cette heure-là. À 2 heures, il n'y a pas un cul béni qui vient. Tu y crois? Moi, je crois que c'est possible. Si toi, tu crois, tu m'as dit que t'as fait une aquarelle, alors. Pour moi, c'est un grand jour. Que j'ai fait une aquarelle? Ah oui? Pourquoi? Bah parce que c'est peut-être la première depuis que t'es revenu à Paris. Oui, t'as raison. Enfin, j'en ai fait deux. La première, je l'ai envoyée à Cécile. Ah, elle s'appelle Cécile. Ah, c'est joli. Alors, tu crois? Oui. Tu te fous pas de ma gueule? Ah, pas du tout, Popo. Bon. Bon. Embrasse-moi encore. Alors, je l'embrasse, je le serre. C'est un tas de gélatine, Popo. Il est doux comme une fille. Bon, allez, Popo. Je te raccompagne chez toi, mais maintenant je rentre. J'ai envie de travailler. Oui, oui, je te comprends. Je te comprends. On se comprend tous les deux, hein? Oui. C'est la première fois. Oui, sans doute, c'est la première fois. Puis moi aussi, c'est... De cette façon-là, c'est la première fois. Ah, c'est chouette que tu sois revenu. Oui, mais c'est chouette que tu sois encore là. Alors, j'ai raccompagné Popo. On a bu un godet. Et puis, il continuait à chialer. Et puis, moi aussi. J'ai dit, bon, avant de venir, je t'envoie un petit mot. Parce que c'est pas demain que je reviens, hein, tu le comprends. Ah oh, oui, oui, mais je sais, je sais. Tu fais tes trucs. Je sais ce que tu fais maintenant. C'est pas parce que tu penses pas à moi. Ah, absolument. Puis je te ferai un petit mot, même de temps en temps. Et puis, bon, qu'est-ce que je peux te dire? Toi aussi. Tu fais gaffe, tu te tiens. T'arrêtes sur le picrate, hein, vraiment. C'est une connerie. Tu perds et les autres gagnent. Alors non, tu vaux mieux qu'eux. Et tu viens là, une fois par jour. Comme tu dis, à 2 heures, 2 heures et demie, tu le fais. Ça te secoue un peu, tu pars, tu t'allonges chez toi, et là, tu bois pas un coup. Tu bois pas un coup après, au contraire. T'es devenu... Je sais pas comment dire. T'es devenu plus pur, tu vois. C'est pas que tu sois sale, mais tu fais quelque chose qui est plus pur que tout ce qu'on peut faire. Ah, embrasse-moi encore. Bon, allez, salut, salut. Et il éclate à la fois de rire et à la fois de pleurs. Je l'entends, quand je descends, là, vraiment, comme une masse, dans le bas du ventre. Oh la putain! Alors celle-là, elle se réveille. Je marche dans la rue, je reprends le métro, j'arrive à la maison. Et pour tout savoir, quelques jours vont passer, quelques semaines vont passer. Je vais pas aller voir Popo. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais je peux lui écrire, mais je lui ai pas écrit. Alors je décide de lui faire une lettre en lui disant mon cher Popo, je t'ai laissé tomber, mais j'ai énormément boulonné. Alors tu sais qu'on est quand même un. Hein, toi c'est moi c'est toi. Là, dans ce qui s'est passé, j'espère que toi ça va. Tu continues à y aller. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis sûr que t'as pas tort. Ça existe. Et je me mets à faire une aquarelle. Et je fais l'aquarelle. Alors, pas les yeux fermés. Les yeux grands ouverts. Et ça fait un fond très... très proche du ciel à Paris, quand le soir, il y a un couchant très rouge. Il y a des traînées bleues, des traînées blanches dedans. Ça arrive, moi je le regardais quand j'étais petit, à partir du pont de Saint-Cloud. Je regardais là-haut, derrière Saint-Cloud. C'est là qu'il se couche. Et je dis, je vais l'envoyer à Popo. Et pendant que c'est pas tout à fait sec, je trempe un petit peu dans de l'encre rouge. Et en bas, là où c'est resté blanc, je mets M-I-R. Ah, je fais un petit chapeau de gendarme. C-L-E. Puis je reste au-dessus. Je fume une cigarette. Je suis content parce que Popo va être content avec ça. Popo, ça va aller. Il n'y a pas de raison que lui, ça n'aille pas. On peut vivre avec des pognes comme il a. Il n'aura pas son miracle, mais dans sa tête, il va l'avoir. Je suis sûr qu'il va l'avoir. Ben, moi, ce que je fais, c'est pareil. Ça tient pas debout. Mais dans ma tête, ça tient debout. C'est vraiment tout ce que je demande. Et puis, je vais poster peut-être ça à Popo. Allez, je vais de rue d'Alésia. Je mets je sais pas combien de timbres, j'exagère complètement. Je fous ça dans la boîte. Elle arrivera dans une heure, tellement elle est timbrée. Et puis moi, je suis timbré avec. Et puis ça va bien. Et puis ce soir, eh ben, je vais dire quelque chose avec Popo. Puis je vais présenter Popo à Cécile. Chacun sur une feuille différente. Et je mélange. Et je fais. Et je défais. Et je fais une boulette. Et je la fous dans le fond de la pièce. Et je remets une autre feuille. Et ma nuit avec des boulettes. Et les boulettes sont belles. Les boulettes, je vais les garder. Une semaine passe. Deux semaines vont passer. Trois semaines vont passer. Ah, je ne me suis plus occupé de Popo. L'adresse de la bonne femme, je l'ai gardée. Mais où est-ce que je l'ai mise? Je cherche. Aller chez Popo, je peux pas maintenant. Non, non, puis quand même, faut voir comment c'est. Aller chez Popo, à chaque fois, je casse quelque chose maintenant. Et puis peut-être que je lui casse quelque chose. Peut-être qu'il est mieux comme il est. Il est peut-être en paix. Popo en paix. Popo en paix. Ouais. Je fais une lettre à la bonne femme. Chère madame, je suis l'ami de Popo. Vous m'aviez donné votre adresse. Je ne peux pas y aller. Si vous pouviez, je vous mets un timbre dedans avec une enveloppe tout prête. Vous n'avez juste qu'à me dire Popo va bien. Je vous remercie. Je vais faire mon possible. À très bientôt. Je ressors, je vais reposter la lettre. Je regarde, la levée n'a pas encore été faite. Ah, il est 10h30. À quelle heure ils font les levées? Ils ont oublié de tourner le guichet. Le lendemain matin, je me réveille. Je suis content. Je suis content, j'ai envoyé à Cécile, j'ai envoyé à Popo, et j'ai envoyé une lettre à la femme du bistrot. Je travaille comme je n'ai jamais travaillé. Non pas que ça soit beau, c'est laid, c'est moche. Pas une fois j'ai eu, ce qui voudrait dire que j'ai pas d'émotion, mais si, ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de ma boule pour vivre. Je vis. C'est la première fois depuis que je suis parti de Marseille que je vis comme ça. Je vivais comme ça de rares moments avec Cécile, mais elle était si fragile qu'on pouvait pas se laisser aller. Maintenant je vais me laisser aller quand je vais lui écrire. La vie va changer à partir de maintenant, Cécile. Je vais te faire une grande lettre aussi. Mais je vais travailler. Aujourd'hui, je fais un grand boulot. J'en suis certain. Un jour passe, deux jours passent, trois jours passent. Je reçois une lettre où je reconnais l'écriture. L'écriture, c'est la mienne. C'est la femme du bistrot qui répond. J'avais écrit mon adresse dessus. Je décachette, mais je ne sors pas la feuille qui est dedans. J'attends. Petite cigarette. Oui, je sais. Ah, puis le cœur. J'ai le cœur qui tape. Pourquoi elle m'a écrit au fond, précipitamment comme ça? Il est arrivé quelque chose à propos ou bien c'est le miracle? Bien sûr, c'est le miracle. Enfin, c'est le miracle. Jamais, jamais, ça repousse. Mais pour lui, ça repousse. Ça serait comme si ça repousserait. Oui, tu crois? Tu crois que c'est vrai, que tu déconnes pas? Non. Tu déconnes pas? Bon. Alors la lettre? Alors la lettre? Alors je sors. Oui. C'est l'écriture de la femme, sans doute. Fais voir. Ah oui, c'est elle, la femme du café. Monsieur. Monsieur Popo n'est plus. Monsieur Popo, on l'a trouvé dans son lit. J'osais pas vous l'écrire tout de suite. On ne sait pas ce qui est arrivé. Voilà, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a trouvé. Ah, j'arrive pas à écrire, monsieur. Pourtant, je sais bien écrire. Avec Popo, il avait une paire de gants. Il les avait enfilés. Et puis, il y avait deux lettres qui attendaient. Alors, j'ai ouvert. Je me suis dit, je vais vous les renvoyer. Mais je ne vous les renvoie pas, puisque Il y en a une, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas l'adresse. Et puis l'autre, c'est vous. Puisque ça se voit que c'est vous. Si vous venez à Boulogne-Billancourt, arrêtez-vous surtout, monsieur. On parlera un peu. Voilà, monsieur, je m'excuse avec mes salutations. Popo est mort. Popo est mort, alors je vais vivre. Sûr. Popo est mort, alors je vais vivre.